Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous continuons à étudier le chapitre 5 de l'Évangile de Jean, et on est au passage de la piscine de Bethesda. Notre bon Père du ciel, dirige-nous, conduis-nous à travers ces moments où ce que nous méditons sur ta parole, ce moment où ce que nous méditons les paroles que Jésus a dites lors de cet événement-là. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Donc, comme je viens de le dire, la piscine de Bethesda, on se souvient, c'est un jour de sabbat. Il y a des gens là qui attendent le mouvement de l'eau parce que les gens croyaient que quand l'eau bougeait et que le premier qui tombait était guéri de n'importe quelle maladie. Mais Jésus passe par là, voit un homme qui est malade depuis longtemps, et il le guérit en ce jour de sabbat-là. En ce jour de sabbat, les Juifs réprimandent Jésus, sont en colère contre Jésus, ne peuvent pas croire que le Messie va délibérément aller contre les pratiques du sabbat, donc c'est certain qu'il le rejette à cause de cela. Mais regardons ce que Jésus va donner comme réponse à partir du verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Donc, Jésus répond à leur colère, à leur argument, à leur rejet, parce que tu peux pas être vraiment le Messie, tu peux pas vraiment être le Fils de Dieu, comme tu te déclares, parce que tu enfreins le sabbat. Et là, Jésus répond en disant, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » De quoi est-ce qu'il parle? Donc, il dit que sa façon d'agir reflète la façon d'agir de son Père. Je vous l'ai dit ici, le mot « fils de Dieu » a plus l'implication « tel Père, tel Fils » que juste la nature divine de Jésus. Jésus veut qu'on comprenne. Si je fais les mêmes choses que Dieu fait, vous devriez conclure que je suis Dieu aussi. Parce que personne ne peut faire les choses que Dieu fait s'il n'est pas Dieu lui-même. Donc, au verset 18, « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Ici, c'est Jean qui fait cette déclaration-là, ici-là. OK? Les Juifs, à cause de cela, les Juifs veulent faire mourir Jésus parce qu'ils, en déclarant que Dieu est mon Père, ou en disant « mon Père agit, j'agis moi aussi », il fait Dieu son égal. En disant « Dieu est son propre Père », il se fait égal à Dieu. Donc, c'est une belle ici déclaration de Jean que Jésus est Dieu fait chair ou est égal à Dieu. Parce que nous, les croyants, on va dire que Dieu est notre Père d'adoption. Mais la façon qu'on parle, on fait bien attention de ne pas laisser croire aux gens que Dieu est notre propre Père, dans le sens qu'on vient de lui, qu'on sort de lui. C'est ce que Jean a voulu dire dans son introduction, dans son prologue. Nul n'a jamais vu Dieu si ce n'est le Fils unique de Dieu qui est sorti du sein de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il était engendré de Dieu, comme certains autres textes disent. Il vient de Dieu. Pas juste de la même place que Dieu, mais il vient de Dieu. Il est sorti de Dieu. Il vient du sein de Dieu. Au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus, ici, dans l'Évangile de Jean, il n'est pas en train de dire qu'il est incapable de faire quoi que ce soit sans Dieu, qu'il n'y a pas de puissance en lui-même. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il ne peut rien faire de lui-même, dans le sens, il ne peut rien faire qui n'est pas comme le Père, qui ne va pas dans la même direction que le Père, qui n'a pas la même nature que le Père dans ces choses qu'il fait. Il n'a pas les mêmes intentions que le Père. C'est ça qu'il est en train de dire. Je ne peux pas rien faire que mon Père ne fait pas. Mais tout ce que mon Père fait, je le fais aussi. Parce que nous, il va le dire au chapitre 10, moi et le Père, on est un. Donc, je ne peux pas rien faire de moi-même que le Père ne fait pas lui-même. Si le Père peut guérir des gens le jour du sabbat, hein, pourquoi moi je ne pourrais pas en guérir aussi? Êtes-vous contre le fait que Dieu pourrait guérir quelqu'un le jour du sabbat? Non. Si Dieu peut guérir quelqu'un le jour du sabbat, je peux aussi guérir quelqu'un le jour du sabbat. Remarquez bien, il dit bien ici au verset 19, « Tout ce que le Père fait, tout ce que le Père fait, je le fais aussi également. » Tu peux pas avoir plus que ça comme déclaration qu'il est Dieu, qu'il est égal à Dieu, que la même puissance que Dieu, la même présence que Dieu, la même science, la même omniprésence, la même omnipotence, la même omniprésence que Dieu. Si je fais tout ce que tu fais, je suis ton égal. Je suis comme toi. Je suis de la même nature comme toi. Je peux pas faire comme un chien. Je suis pas la même nature comme un chien. Un chien peut pas faire comme un être humain. Peu importe si on l'habille comme un être humain, si on dit maquille comme un être humain, si on dit coupe les ongles comme un être humain, il est pas capable de faire tout ce qu'un être humain fait. Il n'est pas un être humain. Jésus dit tout ce que mon Père fait, je le fais pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Tout ce que le Père fait, je le fais aussi. Il me le montre à moi, tout ce qu'il fait. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire ça? Et il continue en disant, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc il dit, le Père me montre tout ce qu'il fait, et il va me montrer encore des œuvres plus grandes qu'il va faire, et je vais les faire pareillement. C'est ce qu'il est sous-entendu ici. Tout ce que le Père fait, je le fais également. Tout ce que le Père dit, je le dis également. Pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'il voit faire le Père? Parce qu'il lui montre, parce qu'il le voit. C'est parce que Jésus nous a déclaré au chapitre 2, au chapitre 3, excusez, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme n'est pas seulement sur la terre. En tant que Dieu, il est encore avec son Père. C'est pour ça qu'il dit, vous allez voir les anges monter et descendre du ciel sur le Fils de l'homme. Il est encore dans la présence de Dieu. Parce qu'il est divin. Il n'a pas arrêté d'être omniprésent. Donc, Jésus n'a pas arrêté d'être qui il est. Il nous l'a montré en disant qu'il connaît tous les corps. Il est omniprésent parce qu'il nous a montré qu'il était avec l'enfant de l'officier du roi. Il est omniprésent. Donc, il est encore Dieu, même s'il est en tant qu'humain dans un corps. Et une de ses œuvres qu'il va faire plus grande, il le dit au verset 21 qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas pris le temps de lire, mais on va le lire maintenant. Car comme le Père ressuscite les morts, il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc, le Fils a le même pouvoir que le Père, c'est de ressusciter les morts. Il donne la vie comme le Père le fait. Donc, c'est pas, oui, il est capable de ressusciter les morts physiquement, hein, parce qu'il va ressusciter Lazare. Mais il a le pouvoir aussi de ressusciter les morts spirituellement, hein, parce qu'on a vu qu'on était mort spirituellement, et qu'il peut donner la vie. Donc, Jésus a le même pouvoir. Vous allez voir, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, je vais faire encore des œuvres plus grandes que maintenant. Je fais toutes les œuvres que je vois mon Père faire. Donc, il n'y a rien que le Père fait que le Fils ne fait pas. Il n'y a rien que le Fils fait que le Père ne fait pas. Ils sont d'un commun accord, sont toujours en train de faire ensemble les choses qu'ils font. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire « Dieu était en Christ sur la croix ». Donc, ils sont jamais été vraiment séparés, parce qu'ils ne peuvent pas être désunis, parce qu'ils forment seulement qu'un Dieu, même s'ils sont trois dieux. Je voudrais dire plutôt trois êtres en un Dieu. Oui, vous allez me dire, François, c'est un peu spécial, mais si Dieu serait pas spécial, il serait pas Dieu. Si Dieu serait comme nous, mais il serait juste un être humain, peut-être un super humain, hein, mais il serait pas un Dieu. Il faudrait pas être surpris que Dieu est différent de nous. C'est ça qui fait qu'il est Dieu. Hein? Il est l'unique Dieu. Vous pouvez pas le comparer à d'autres dieux. Il n'y en a pas d'autres dieux. Donc, il y a un Dieu qui s'est présenté à la race humaine. Et une des choses qui me convainc que la révélation que nous avons dans les Écritures de la personne de Dieu, elle ne vient pas de nous, mais elle nous a été révélée par Dieu. L'être humain, quand il s'invente des dieux, là, il s'invente juste des super-humains. Hein? C'est juste des super-humains. Quand Dieu nous a décrit sa propre personne dans la Bible, la description qu'il donne de lui-même, on n'y aurait même pas pensé de l'inventer, nous autres. Ça sort de notre capacité d'imaginer ça. C'est comme en dehors de notre capacité de saisir qu'on peut avoir trois êtres vraiment distincts, mais qu'ils font seulement qu'une personne. Il y a seulement un Dieu en trois personnes. Au verset 22, on va continuer, on a encore quelques minutes devant nous. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, il dit au verset 22, le Père a remis tout jugement au Fils. On avait vu dans les études avant que Dieu a remis toutes choses entre les mains de Jésus. Et une des choses qu'il a remis entre les mains, c'est que le jugement est entre les mains du Fils. Donc, imaginez-vous, si le jugement est entre les mains du Fils et que je rejette le Fils, quel va être son jugement à mon égard? Donc, le fait de savoir qu'il est le seul qui juge tous les êtres humains, ça devrait nous pousser à l'honorer comme on honore le Père. Le Père ne juge personne, c'est le Fils qui juge toute personne. Et en étant dans cette position, il exige, si je peux dire, il demande, il mérite les honneurs. Les mêmes honneurs que le Père. Il dit, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, quelle grande vérité. Jésus ici dit, demande, révèle, vous devez m'honorer de la même façon que vous honorez le Père. Et si vous m'honorez pas, si vous voulez me faire mourir parce que j'ai fait un miracle le jour du sabbat, vous ne m'honorez pas. Et au jour du jugement, je vous condamne. Je vous condamne. Parce que vous m'avez pas honoré et vous n'honorez pas celui qui m'a envoyé, qui est le Père. Donc, j'étais avec le Père, j'étais dans le Père, j'étais dans le sein du Père, j'étais avec lui. Et il m'a envoyé ici pour vous révéler toutes ces choses. Donc, si vous me rejetez, vous rejetez celui qui m'a envoyé. C'est ce que Jésus a dit à plusieurs reprises dans son troisième ministère. Si vous rejetez l'envoyé, vous rejetez celui qui l'envoie aussi. Hein? Si on envoie un ambassadeur en France de la part du Canada et que la France rejette l'ambassadeur, elle est en train de dire qu'elle rejette aussi le Canada qui a envoyé l'ambassadeur. C'est comme ça, c'est normal que ce soit comme ça aussi. Donc, imaginez-vous que ces grandes déclarations devant les Juifs, devant Jean aussi, devant nous aussi. Donc, le Fils fait tout ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, ou pareillement. Et tout ce que le Père fait, il le montre au Fils, et le Fils le fait aussi. Et c'est le Fils qui ressuscite les gens, spirituellement et physiquement. C'est lui qui juge aussi toutes les personnes. Refuser de croire qu'il est Dieu, c'est de vraiment faire l'autruche et de ne pas croire aux Écritures. Notre bon Père du ciel, merci de ces belles paroles qui nous montrent que Dieu est au moins composé de deux êtres, le Père et le Fils. C'est ce que Jean nous avait dit au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur que Jésus s'est incarné. Merci que tu l'as envoyé, parce qu'on n'aurait jamais compris cela. On n'aurait jamais saisi que tu étais un Dieu en trois personnes. Sois béni éternellement. Amen.